Le baron Hulot seul montra d'abord une figure soucieuse. Voici pourquoi. Au moment de quitter son cabinet, il était venu voir le directeur du personnel, un général, son camarade depuis 30 ans, et il lui avait parlé de nommer Marneffe à la place de Coquet, qui consentait à donner sa démission. « Mon cher ami, lui dit-il, je ne voudrais pas demander cette faveur au maréchal sans que nous soyons d'accord et que j'aie eu votre agrément. »« Mon cher ami, répondit le directeur du personnel, permettez-moi de vous faire observer que, pour vous-même, vous ne devriez pas insister sur cette nomination. Je vous ai déjà dit mon opinion. Ce serait un scandale dans les bureaux, où l'on s'occupe déjà beaucoup trop de vous et de Madame Marneffe. Ceci bien entre nous. Je ne veux pas attaquer votre endroit sensible, ni vous désobliger en quoi que ce soit. Je vais vous en donner la preuve. Si vous y tenez absolument, si vous voulez demander la place de Monsieur Coquet, qui sera vraiment une perte pour les bureaux de la guerre, il y est depuis 1809, je partirai pour 15 jours à la campagne, afin de vous laisser le champ libre auprès du maréchal qui vous aime comme un fils. Je ne serai donc ni pour ni contre, et je n'aurai rien fait contre ma conscience d'administrateur. « Je vous en remercie, » répondit le baron. « Je réfléchirai à ce que vous venez de me dire. »